disciple et ancien. Le sabre nous envoie un défi auquel je dois répondre. Selon le code que nous appliquons, ce sera un duel à mort. Nos lois stipulent aussi l'interdiction absolue de se venger. Et l'absence de larmes, bras de fer entre nous et l'enfer. Un micro pour sortir des flammes, le sabre, nos armes. Pour combattre le démon, 1800 coups reste fidèle à ses convictions. J'applique mes sabres, les mots, planqués comme l'amant. Lorsqu'il s'agit de magie, je suis galant. D'ailleurs pour ça que je la fais passer avant. Faudrait quand même qu'un jour elle m'ouvre des portes. Non, partenaire, 23 piges déjà à bout de nerfs. Bras de fer entre nous et l'enfer. Tu dis quand je vois que l'envers. Si malgré tout faut pas s'en faire, on fait rien sans le flair. Sinon, je suis ciment, goudron dans tes poumons. La tache sur ton polo ou la verrue sur une gopa. Non, Gold 6 c'est mon nom, tu cries oh non. Regarde-moi, blouson car sur le cœur t'y verras du sang. Nous à l'addiction. Nous on kiffe ça l'addiction. Les sales et l'introduction. Les sales et l'addition. Sans condition. Je fais des têtes comme Nas. Du gastial comme du 4H. Je balance mes 4 as. Fils d'un autre âge. D'une autre âge. C'est ça le contrat. Finira un contre un. Engagé mais jamais contraint. Et la de larmes. Bras de fer entre nous et l'enfer. Micro pour sortir des flammes. Le sabre, nos armes. Les mots. Pour combattre le démon. 1800 coups reste fidèle à ses convictions. Et la de larmes. Bras de fer entre nous et l'enfer. Micro pour sortir des flammes. Le sabre, nos armes. Pour combattre le démon, 1800 coups reste fidèle à ses convictions. La merde à force d'y penser, tu finis dedans. La vie nous humilie, je dresse ma résistance. Patiente dans mon trou noir, on rentre des couloirs. Sombre de ceux qui se dissopent quand la colère monte. Mérite un coup de sabre, 1800 écoute ça. T'en convainc qu'un, le reste suivra. Suis la route, les tracés choisis, le temps s'écoule. Pire que tous les frères sous, écrous sous. À force de voir que pour soi la chance ne tourne pas. Je chante mon mea culpa, garde le moral avant que le ciel nous condamne. Mario rap, mais rien de réglo. Comme un prêtre avec un flingue sous sa soutane. Le seul présent à ton enterrement. Amer sans ses phrases. Crie l'absence de larmes. Obligé de s'en sortir la tête haute. Sans figer les mots. Sixième élément, mon sabre. Pétage. Crie l'absence de larmes. Bras de fer entre nous et l'enfer. Un micro pour sortir des flammes. Le sabre, nos armes. Les mots. Pour combattre le démon. 1800 coups reste fidèle à ses convictions. Crie l'absence de larmes. Bras de fer entre nous et l'enfer. Un micro pour sortir des flammes. Le sabre, nos armes. Pour combattre le démon, 1800 coups reste fidèle à ses convictions. Convaincu par ce qu'on fait, on s'investit. On écrit pour se confier, on arme les styles pour décrire ce qu'on sait, pas l'amnestie. Un tarche dans l'incendie qui durait 24 sur 24. Rappé, je le fais pas depuis Andy, mais j'ai bossé. Je voulais qu'on me dise, vas-y, tu vaincras, tu viens car t'es avec nous maintenant. 1800 coups mon nom, par chromosome, on y met tous nos mots. Un mic en guise de ça pour combattre le démon, c'est parti pour de bon. Respect au bon et merde au con, ok. Les autres se connaîtront, on se connaît trop et on va réussir à force de se lever tôt. Appartenir à notre avenir, voilà, c'est tout ce qui nous reste. Pose ta bille, tourne la roulette, heureux, y'a plus de temps pour l'être, plus de temps pour se parler. La moindre embrouille, ça sort les armes. Coup de lame en instantané, de l'instant où t'es né, Satan a ricané. Crie l'absence de larmes. Un micro pour sortir des flammes. Le sabre nous arme. Les mots, les mots, les mots. Crie l'absence de larmes. Un micro pour sortir des flammes. Le sabre nous arme. Les mots, les mots, les mots. Crie l'absence de larmes. Bras de fer entre nous et l'enfer. Un micro pour sortir des flammes. Le sabre nous arme. Les mots. Pour combattre le démon. 1800 coups reste fidèle à ses convictions. De larmes. Bras de fer entre nous et l'enfer. Un micro pour sortir des flammes. Le sabre nous arme. Les mots. Pour combattre le démon. 1800 coups reste fidèle à ses convictions. Le sabre, le sabre, le sabre. Si tu espères te venger, garde la rage en cœur.